dans cette édition spéciale de CNX. Une compilation de la première série des Petites Mythologies de Martin Bertrand et une collection de pièces musicales inspirées par les jeux vidéo. L'émission la plus geek de la radio commence maintenant. Bonjour et bienvenue à CNX, l'émission la plus geek de la radio. C'est Mathieu Plante qui vous parle et pendant deux heures, on parle toujours de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. C'est ce qu'on fait à chaque semaine, mais cette semaine, c'est très particulier parce que je vous présente les 8 premières capsules de la série Les Petites Mythologies de Martin Bertrand, où Martin prend un sujet de la culture populaire et l'analyse en profondeur pour notre grand bonheur. Donc, on va entendre 8 capsules aujourd'hui. Tout ça entrecoupé de merveilleuses musiques de jeux vidéo, des chiptunes, comme on appelle. Mais on commence en musique. Voici Still Fun, de version française, par la formation Cut Off Your Hands, à CNX, à C'est Fou 89.1 FM. Sur les ondes de C'est Fou. Le cellulaire. Nouvel organe du corps humain qui est porteur d'un sixième sens, le cellulaire a fait une entrée fracassante dans la société occidentale contemporaine. Objet mythique s'il en est, on le retrouve partout. En tant qu'organe amovible du corps humain, il confère en quelque sorte le don d'ubiquité, puisqu'on peut, grâce à son truchement, rejoindre n'importe qui instantanément partout sur le globe. À quoi servirait-il donc d'être télépathe puisque cet outil confère les mêmes dons? Grâce à lui, l'individu ne se retrouve plus jamais seul, puisqu'il traîne son monde tel que le montrent les publicités qui en font la propagande. le monde extérieur devient, de fait, moins terrifiant. Observez d'ailleurs que le téléphone cellulaire se place au cœur de l'espace personnel, habituellement à la ceinture, l'espace personnel étant une zone tampon psychologique qui agit comme projection extérieure de son moi, divisée en trois zones concentriques. Espace intime, espace personnel, proprement dit, et espace social. Je vous invite à regarder un jour une personne parler au téléphone cellulaire dans un lieu public. Si le téléphone est bien sûr vu comme un outil de rapprochement social par l'individu qui l'utilise, paradoxalement, dès son utilisation, il se replie dans son espace personnel, territoire d'un diamètre de 4 pieds qui l'entoure, qui forme alors une bulle fermée et compacte. Ainsi, l'utilisateur se retranche symboliquement de l'espace public lors de ses conversations pour entrer dans un territoire propre à lui et à son interlocuteur virtuel. Ce genre de vision est tout simplement fascinante, puisque d'une part, l'on vit dans l'impression d'avoir son monde à portée de main, mais d'autre part, on se complaît dans une position agoraphobe, le cellulaire permettant de faire abstraction de la foule. À ce titre, il est un objet symbolique de l'urbanité, et vous n'avez qu'à vous promener rue Sainte-Catherine pour observer l'occasion d'isolement qu'il procure dans la masse des quidam. La modernité s'est constituée en opposant vie privée et vie professionnelle. Ainsi, contrairement à l'agriculteur, qui ne voyait aucune frontière entre travail et vie familiale, l'urbain avait découpé son existence entre bureau et maison dans un phénomène que d'aucuns ont nommé le 8 à 4, ou le 9 à 5, c'est selon. Or, dans notre postmodernité, le cellulaire vient brouiller cette frontière, puisque l'individu est maintenant joignable en tout lieu et en tout temps, et peut effectuer une quantité infinitésimale de manœuvres à partir même de son téléphone, dont le service au client, bien sûr. Aussi, puisque la plupart des gens n'ont pas un cellulaire pour le trivial et un autre pour le professionnel, l'objet sert à toutes les sauces. Rester en contact avec le bureau, jouer, parler avec des amis et la famille, surfer sur le net, augmentant la confusion entre les actes privés et les actes professionnels. Rien d'étonnant donc à ce qu'on assiste à un épiphénomène de dépendance face à cette nouvelle technologie dans la mesure où l'outil s'avère polyvalent et met l'individu en lien permanent avec le monde, virtuellement du moins. La séparation équivaut donc à une coupure relationnelle qui amène une insécurité dès lors que l'individu ne serait plus connecté avec sa fratrie. S'ensuit un sevrage comme dans n'importe quelle autre dépendance. Pour mesurer jusqu'à quel point le lien affectif est fort avec le cellulaire, même pour les gens qui n'ont pas à proprement parler une relation pathologique avec celui-ci, on n'a qu'à constater jusqu'à quel point il est difficile d'en séparer l'utilisateur. En effet, il a été plutôt simple d'éliminer le tabagisme dans les endroits publics, la population s'y étant contrainte avec une certaine docilité, pour ne pas dire une docilité certaine, même dans les bars. Par contre, vous n'avez qu'à observer sur l'autoroute pour voir combien il se révèle difficile d'endiguer l'utilisation du cellulaire au volant, à l'heure actuelle, et ce, malgré les efforts tant de sensibilisation que de répression. Enfin, mentionnons que le cellulaire a su supprimer l'attente et les temps morts, période qui servait autrefois à l'introspection, ou alors à la contemplation et la réflexion, pour faire entrer l'individu dans la possibilité du bavardage incessant avec sa « clique », pour reprendre la publicité de TELUS, oubliant du même coup soi-même et les êtres humains qui ne sont pas dans ses contacts. Mentionnons enfin que l'écrivain Phil Marceau a proposé les 6, 7, 8 février comme les journées mondiales sans téléphone portable en 2003 et dès qu'il a fait des petits. Vous pouvez d'ailleurs aller consulter son site internet au www.mobilou.info. Vous venez d'entendre une capsule de la série Petite Mythologie, présentée par Martin Bertrand sur les ondes de C'est fou. Une autre chronique des petites mythologies s'en vient plus tard. On va parler d'appareils photojetables. Il y a aussi le Red Bull, la télé-réalité, le Purel, le hockey, les films d'action et Paris Hilton d'ici la fin de ce spécial CNX. Mais pour l'instant, en musique, voici Mimi Van Der Glo et Quatre Pattes. En premier lieu, on va fermer les rideaux, barrer la porte et on va monter la radio. Une paire de jeans à des sous-vêtements dentelles, comme si notre linge s'était enlevé tout seul. Et quatre fois, et c'est un peu encore pour le demain.

Voici là au retour, Martin Bertrand parle de Red Bull dans ses petites mythologies dans ce spécial CNX Compile au 89.1 FM. C'est fou! Bonjour, vous êtes dans une compil CNX où on vous fait entendre les 8 premières capsules de la série Les Petites Mythologies de Martin Bertrand. Martin Bertrand prend un sujet chaque semaine et le dissecte telle une thèse universitaire. Souvent des sujets très geeks et on vous les présente en primeur ici à CNX. Tantôt, on va parler de télé-réalité, de Purell, de hockey, de films d'action et de Paris Hilton. Oui. Mais dans quelques minutes à peine, celle qui s'en vient le plus vite possible, là, c'est le Red Bull. Mais pour l'instant, une pièce qui est très geek pour ceux qui comprennent les paroles. Voici la formation My Son, The Bomb, et The RIAA Took My Computer Away à CNX au 89.1 FM. I never once thought that I was stealing. I want voici maintenant une capsule de la série Petite Mythologie, présentée par Martin Bertrand sur les ondes de C'est fou. Le Red Bull. Tout droit venu de la Thaïlande, le Red Bull, que l'on retrouve dans une minuscule canette de 25 centilitres, a été introduit en grande pompe dans les marchés occidentaux grâce aux efforts d'un représentant en pâte dentifrice autrichien, Dietrich Mateschitz. L'anecdote est en soi savoureuse. Grand voyageur, il se trouvait en Thaïlande où il découvrit le Krating Dang, sorte de poisson hyper sucré consommé par les chauffeurs de taxi et les camionneurs afin de pouvoir endurer les nuits blanches. Revenu dans son pays, il en fera un produit plus vendable selon les standards européens en lui enlevant du sucre dans sa composition et en lui ajoutant des bubules, sans doute pour lui conférer un aspect coca dont les Occidentaux sont si friands. Aujourd'hui, Mateschitz détient 49 % des droits du produit et il a laissé 51 % des parts à la compagnie thaïlandaise qui a développé la boisson originale. Comme mentionné, une canette de Red Bull fait à peine 25 centilitres, ce qui augmente l'impression qu'il s'agit d'un produit hyper concentré. D'autant que l'effet qui en est désiré s'avère de procurer une décharge rapide d'énergie dans l'organisme. Côté pratique, comme la boisson fut considérée longtemps comme illégale dans plusieurs pays, elle l'est encore d'ailleurs dans d'autres, comme au Danemark, son passage sur le manteau s'est trouvé facilité. Le fond bleu, couleur froide de son emballage, se trouve fortement contrasté, d'abord par les taureaux rouges, couleur chaude par excellence, et par le soleil jaune où s'affrontent ces taureaux qui attirent notre attention. Le choix des couleurs n'est évidemment pas aléatoire puisqu'il renforce chez le consommateur l'idée d'une étincelle d'énergie, couleur jaune et surtout rouge, dans la morosité qui prend tout le reste de l'espace disponible sur la canette, couleur grise et bleue. Quant au taureau, d'un point de vue symbolique, il s'agit d'un animal représentant le mâle impétueux et féroce. Il incarne la force vitale, la fougue, dans la plupart des mythologies. D'ailleurs, dans l'alphabet hébraïque, la première lettre Aleph, le principe primordial, signifie taureau. L'emballage de ce point de vue fait valoir au consommateur que le contenu lui conférera les vertus de l'animal. Force vitale, puissance, fougue. Le format canette, plutôt que bouteille, rappelle pour les Occidentaux celui des autres boissons gazeuses, comfort food liquide, qui évoque la permission que les parents accordaient lors des occasions spéciales de boire un produit sucré. Le Canada a fait entrer le Red Bull dans la catégorie des produits de santé naturelle, ce qui dépeint un choix éditorial insolite. D'autant que le breuvage en question contient 27 g de sucre, 1000 mg de taurine et 80 mg de caféine, dose massive s'il en est. Et ces additifs sont tous soupçonnés de causer des effets neurocomportementaux indésirables. D'ailleurs, en France, la taurine a été retirée du Red Bull en juillet 2008 pour la remplacer par de l'arginine, prix à payer pour la compagnie qui le distribue afin d'entrer dans le pays. Quant à la caféine, il s'agit d'un additif qui crée la dépendance et qui, à forte dose, cause des insomnies, des palpitations, de l'anxiété, des tremblements, qui peuvent durer plusieurs heures. Son sevrage provoque des symptômes tels une fatigue anormale, la déprime, les difficultés de concentration et des maux de tête. Alors pourquoi donc, dans la société contemporaine, un tel produit basé sur la stimulation fait-il un tel tabac sur les marchés? Cela n'est sans doute pas étranger au fait que l'on s'insère dans une époque qui mise tout sur la vitesse et la performance. Le Red Bull en est seulement un symptôme. Et les fabricants du produit l'ont bien compris en déployant leur placement publicitaire sur la course automobile et les événements sportifs. Le Red Bull élimine la fatigue, qui devient synonyme de faiblesse. On peut donc faire fi des impératifs du corps qui nous signifient ses limites et se soustraire au repos. C'est donc la boisson du surhomme qui peut s'évader de ses limites humaines. Comme dans cette société, tout le monde veut briller plus fort que les autres, le Red Bull confère en quelque sorte la possibilité de se dépasser, d'aller plus haut que soi. Mais le jeu en vaut-il la chandelle? Vous venez d'entendre une capsule de la série Petite Mythologie, présentée par Martin Bertrand sur les ondes de C'est fou. Voilà pour une autre petite mythologie de Martin Bertrand. Plus tard, il y a d'autres sujets les plus diversifiés. La télé-réalité, le purel, le hockey, les films d'action et Paris Hilton même à la fin. Dans ce spécial, CNX compile des petites mythologies de Martin Bertrand que vous pouvez retrouver sur le cifou.ca en balado-diffusion. Maintenant, on va entendre un petit peu de chiptune. J'en avais promis dans l'émission d'aujourd'hui, la musique créée avec des jeux vidéo ou inspirée par des jeux vidéo. Voici un artiste de chiptune écossais, Philip Firebrand Boy Cunningham, avec Starcrossed à CNX au 89.1 FM. Il y a des paroles là-dessus, mais qui pense, ça gâche rien. C'est moi qui vous le dis. west we'll see, like the North Star we'll be, lost at sea. The captain's not me, but I'm not lonely. Sing this with me when you're lost at sea.

Quatre autres capsules s'en viennent plus tard à CNX dans sa spéciale compilation sur les petites mythologies de Martin Bertrand, où Martin prend un sujet de la culture populaire et l'analyse en grand détail. Il nous reste encore le Purel, le hockey, les films d'action et Paris Hilton, tout ça dans la deuxième heure de cette compil CNX. Mais pour l'instant, en musique, on s'en retourne en chiptune pour aller entendre une pièce de Matt Wilson, How to Kill a Man from Outer Space. C'est de son super album qui est sorti. Alors, en fait, ça vient pas de son album parce qu'en mi-décembre, il y en a sorti un, mais il n'y a pas cette pièce-là dessus. Mais vous pouvez télécharger l'album quand même, il y en a 12 pièces là-dessus, il s'appelle Chip Death. Mais pour l'instant, c'est How to Kill a Man from Outer Space de Matt Wilson à CNX, l'émission la plus geek de la radio. How to Kill a Man from Outer Space par l'artiste Matt Wilson, aussi connu sous le nom de Save States. Il y a un album gratuit à télécharger sur son site web, passé par le site de l'émission au www.unechance.com. Il s'appelle Chip Debt et c'est vraiment mon genre de musique que j'adore, j'adore, j'adore. Il y a une deuxième heure de ce spécial compil CNX sur les petites mythologies de Martin Bertrand. Il va y avoir Le Purel, le hockey, les films d'action et Paris Hilton analysés pour votre bonheur dans la deuxième heure. On se quitte pour l'instant avec une pièce de Minus Baby. C'est encore du chiptune. La pièce s'appelle To My Head. Et c'est ce qui s'en vient dans quelques secondes. Donc restez avec nous dans cette compil CNX au 89.fm. Dash.com. Retour sur la deuxième heure de CNX, l'émission la plus geek de la radio cette semaine. C'est une compile CNX avec les petites mythologies de Martin Bertrand. On passe la première série au grand complet. Il y a 8 capsules dans cette série que vous pouvez télécharger d'ailleurs sur le www.cif.ca dans la section balado diffusion. Dans cette deuxième heure, il va y avoir le hockey, les films d'action, Paris Hilton. On va commencer avec le Purel juste après cette pièce de We Are an Empire, My Dear, le nouvel album de In-Flight Safety. Voici Big Elephant, assez fou, 89.1 FM. Big White Elephant de In-Flight Safety, c'est bien leur album We Are an Empire à CNX, l'émission la plus geek de la radio spéciale Petite Mythologie de Martin Bertrand. Et parlant de sang, voici une autre. Et voici maintenant une capsule de la série Petite Mythologie, présentée par Martin Bertrand sur les ondes de C'est fou. Le Purel. On en retrouve pratiquement dans chaque sacoche, et ce depuis que Pfizer a acquis les droits sur le produit en 2004. Le Purel remplace dans l'imaginaire le traditionnel gris-gris, ou talisman contre le mauvais œil.

Antoine Graton et 500 000 de son album Le Problème avec Antoine à CLX, l'émission la plus geek de la radio. Spéciale, les petites mythologies de Martin Bertrand. Il nous reste deux chroniques, les films d'action et Paris Hilton. Ça va être dans la dernière demi-heure au 89.1 FM. C'est fou! Dash.com Dash.com. Bonjour, c'est la dernière demi-heure de cette compil CNX avec les petites mythologies de Martin Bertrand. Je m'appelle Mathieu Plante. Donc, il reste deux capsules, les films d'action et Paris Hilton. Parce qu'à chaque semaine, Martin Bertrand prend un sujet de la culture populaire, des icônes de la vie, de la culture moderne. Il nous en parle en profondeur dans ses chroniques. Et cette semaine, on se passe la première série au complet. Donc, 8 capsules de petites mythologies. Et il va y avoir un petit peu de chiptune aussi, de la musique de jeux vidéo, parce que j'aime ça. Mais pour l'instant, on y va avec une autre capsule, voici les films d'action. Et voici maintenant une capsule de la série Petite Mythologie, présentée par Martin Bertrand sur les ondes de C'est fou. Les films d'action. Pour les besoins de notre analyse, nous définirons les films d'action comme celui dont l'intrigue s'articule plus ou moins habilement autour d'une succession de scènes spectaculaires, voire stéréotypées. Course, poursuite, fusillade, explosion. Et autour d'un nombre limité de héros, habituellement un seul, et met en place un conflit qui sera résolu de manière violente. On y met habituellement en scène un certain nombre d'ennemis, dont un en particulier, le chef, incarne l'antithèse du héros mis en scène. Le prototype du film d'action se situerait dans la vague des années 80, avec une série de films mettant en scène des icônes de l'époque, par exemple Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger. Il s'agit avant tout d'un phénomène grand public, qui séduit en premier lieu un public masculin. Il faut dire que le protagoniste est le plus souvent un homme qui incarne le stéréotype de la virilité. L'une des étapes, d'ailleurs, de son parcours typique de héros dans le film d'action sera la conquête d'une femme en cours de route. On voit ici assez facilement que le film d'action se base sur ses fantasmes de toute puissance. Freud, dans La création littéraire et le rêve éveillé, expliquait que nous ne savons renoncer à rien. Nous ne savons qu'échanger une chose pour une autre. Ce qui paraît être renoncement n'est en réalité que formation substitutive. Aussi, l'adolescent en grandissant ne renonce-t-il, lorsqu'il cesse de jouer, à rien d'autre qu'à chercher un point d'appui dans les objets réels. Au lieu de jouer, il s'adonne maintenant à sa fantaisie. Il édifie des châteaux en Espagne, poursuit ce qu'on appelle des rêves éveillés. Ainsi, la personne devenue adulte trouve un écho imaginaire à ses jeux d'enfant, où elle se mettait en scène en héros intrépide, capable de venir à bout de tous les obstacles sous forme de catharsis. Elle se projette dans un personnage sur l'écran, qui incarne la toute-puissance qu'il recherchait dans ses jeux enfants. Si alors il basait sa rêverie sur ses jouets, appuyé dans le réel, adolescent, il la base sur son propre imaginaire, et adulte, il se base sur une projection de son moi dans un personnage à l'écran. Mais l'adulte, lui, a honte de ses fantasmes de toute-puissance. Par contre, s'il les voit mis en scène dans un produit fini et se rend compte que d'autres y répondent, sa honte s'efface et il se voit affermi dans son droit à l'imaginaire. C'est un peu là la fonction du film d'action. Ces films mettent en scène des personnages habituellement assez stéréotypés, dont deux personnages qui se répondent l'un à l'autre sous forme de contraire, le héros et l'ennemi. Si le héros répond au « moi », l'ennemi répond bien également à une autre instance de la personnalité humaine, l'ombre, l'éternel antagoniste. Celle-ci se trouve au cœur de chaque individu et incarne ce qu'il rejette de lui-même comme étant primitif, inadapté et ou malencontreux. Le combat entre les deux instances à l'écran projette bien cet antagonisme, présent au sein de chacun, et c'est sans doute pourquoi le public s'y retrouve tant. La fin du film d'action, qui met en scène la quasi inévitable défaite de l'ennemi, replace le spectateur dans une position de confort avant de quitter le cinéma. C'est un baume pour le moi qui voit sa position de préséance assurée. Le spectateur revient donc chez lui content et sécurisé de ce qu'il a vu. En effet, la déstabilisation que le héros moi aura vécue à cause de l'ennemi ombre aura été encadrée entre une situation initiale au début du film où les choses allaient bon train, avant l'élément déclencheur, et une situation finale où il aura eu raison des antagonismes et en sera ressorti vainqueur. Vous venez d'entendre une capsule de la série Petite Mythologie, présentée par Martin Bertrand sur les ondes de C'est fou. Vous êtes dans une compil CNX avec les petites mythologies de Martin Bertrand. Je vous rappelle que les capsules sont diffusées à CNX pour la première fois. Vous êtes assez fou 89.1 FM, votre radio campus de Trois-Rivières. Encore en chiptune, voici Will Smith. He's a great actor, but you're a better kisser par Robert. CNX, c'est fou! We'll be right back. Will Smith is a great actor, but you're a better kisser par l'artiste Robert. C'est du chiptune ici à CNX, l'émission la plus geek de la radio. Probablement la seule émission à passer du chiptune régulièrement, même à toutes les semaines. Ici à CFOU 89.1 du moins. Vous êtes dans une compile CNX avec les petites mythologies de Martin Bertrand. Il nous reste une seule capsule, c'est celle sur Paris Hilton. Voici l'artiste Dr. Zilog. CNX, l'émission la plus geek de la radio, 89.1 FM. C'est fou!

Le thème de Terminator, repris par Zorgatron en version chiptune ou musique de jeu vidéo. C'était CNX Compile, les petites mythologies de Martin Bertrand. On a savouré ces 8 capsules. Il y aura une deuxième série. Ça s'en vient sur les ondes de C'est fou. Je vous retrouve dans la prochaine édition de CNX, l'émission la plus geek de la radio, et dans mes autres émissions, où qu'elles soient dans la grille horaire. Je vous ai adoré pendant ce bout de temps, puis je vais vous continuer à vous adorer. C'est ce que je voulais dire. C'est comme un message d'amour. T'sais. Je propage mon amour à vous tous. Passez une belle semaine et à la prochaine. Bye bye! Et on se quitte avec un remix de Tetris avec des paroles version rap par Dakav 5. See, what some people don't realize is that you can't stereotype my group as a hip-hop group. Hip-hop, because we do it all. Hip-hop, trance, pop, techno, rock, R&B, you name it, we've done it. It don't matter to me if a beat is hot, we gon' kill it. We out here to make music, bottom line. We have a whole lot of fans from different genres of music, so we gotta make sure that we keep a connection with connection. You know, connect the lights, connect the lights. Touch the lights, shine the spotlight. Then give me the mic so I can get a crowd hype and make them bounce, bounce, bounce, bounce. It's B to the ROC, hi, front of DACAVALOY. Stack on, I'm moving the crowd by connecting genres. I'm not gonna stop this hip hop, pop, rock trend. Check that ass, pop, lock, dance. Move your hands, hand, hold your head. I'm to the floor for chip, keep feeling nauseous. Can't stand still and your back is arching. Be cautious, cause more than often kids get bent to this music coffin. On the floor, often, bobbing the head though. You never know, you really gonna connect those. So keep moving, non stop, don't stop. Moving the music, it's hot. We make music. Some people call it hip hop, trance, dance, rock, hip hop. It don't matter, it's hot. We call it music. Like Tetris, we make music. Some people call it hip hop, trance, dance, rock, and pop. It don't matter, it's hot. We call it music, music, music, music. So we make something and catch it and keep you connected. Like Tetris, we call it hip hop, trance, dance, rock, and pop. It don't matter, it's hot. Shake that ass, pop, lock, dance. It's hot, dance, dance, it's hot, dance, up, up, dance, dance, up. Give me the mic, so I can get the crowd hype and make them. La semaine prochaine à CNX, les 8 capsules de la série 2 des petites mythologies de Martin Bertrand. En rafale, le iPod, Second Life, Homme cherche femme, la presse People, les mots de Javel et Noël. Tout ça plus 2 capsules inédites, la viande hachée et le bonheur en pilule. CNX jeudi prochain, 11h.